Laure H., 1958-1990. Toutes ces mortes, dans le cabinet interdit de ma mémoire. Pierre, d'année en année, me manifesta une confiance de plus en plus marquée. Il persistait dans sa distance, mais je ne m'en formalisais pas, car j'avais compris l'aspect impersonnel de sa froideur. Particulière, elle eût été blessante, universelle, elle ne l'était pas, et m'était même presque sympathique. Je suppose qu'il m'était muettement reconnaissant de remettre sa petite sœur dans le chemin des vivants chaque fois qu'on me l'amenait. Peut-être imitait-il aussi le respect de moins en moins formel que son père me manifestait. Ce fut donc tout naturellement que j'en vins m'occuper de Laure pour des problèmes d'infertilité dont on soupçonnait quelques causes psychologiques. Je n'ai jamais su si Pierre était au courant de ma participation à l'avortement de sa mère, et je tant pensais que non. Il ne m'aurait probablement pas choisi, moi qui avais déjà été mêlé à la mort de sa petite sœur, pour opérer le difficile réveil de la maternité chez son épouse. Laure vint me consulter régulièrement, une fois par semaine, pendant plusieurs mois, après quelques années de tentatives infructueuses du couple et un traitement hormonal qui n'avait rien donné. Cela se passait en 1989. J'eus d'abord un rendez-vous avec le couple. On m'expliqua les règles irrégulières, les périodes aménorrhées, la tendance à l'anémie, les instabilités de la thyroïde. On ne me demanda pas explicitement de commencer une thérapie. En fait, on ne me demanda rien. Et je pris Laure comme patiente, sans bien savoir au juste de quoi il retournait. Je le regrette aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi les mille et une raisons qui auraient dû me crier de me désengager se sont mystérieusement tues. Pourquoi j'ai accepté de manière somnambulique ce nouveau fardeau que m'imposait la famille H. Aujourd'hui, par ce crépuscule sans espoir, et parce que le papier, que sa blancheur défend, ne me jugera pas, j'ai envie de parler de destin. Mais le destin, n'ai-je pas passé toute ma vie professionnelle à en démonter le mécanisme humain? Il n'y a pas de destin, seulement des voies que l'on s'inflige de suivre pour de mauvaises raisons ou parce qu'il semble n'y en avoir pas d'autres. Premièrement, j'étais le psychiatre d'Audrey et à ce titre, il était déontologiquement discutable de prendre sa belle-sœur pour patiente. Audrey me parlait souvent de Laure, qu'elle n'aimait guère et qui l'agaçait souvent. Elle la considérait comme une charge pour son frère, lorsqu'elle aurait aimé le savoir choyer, remboursé par son épouse de toutes les tendresses qu'il n'avait pas reçues dans son enfance. Au lieu de cela, Audrey voyait son frère se renfermer dans son attitude erratique et taciturne, et Laure occupait le devant d'une scène domestique en continuelles alarmes pour des petits riens, des maux de tête, le deuil d'un chien, des problèmes de voisinage, des travaux qui prenaient du retard, des dégâts des os, une digestion difficile. Il semblait à Audrey que Laure n'était jamais heureuse. Elle l'accusait de rendre l'existence éternellement compliquée et de créer à son frère un petit enfer conjugal étriqué et morne, étouffant d'ennui. Audrey n'avait pas la langue dans sa poche lorsqu'elle était lancée sur le sujet, et son ironie envers Laure était parfois si mordante que je me surprenais à sourire avec elle dans une grande complicité aux dépens de cette épouse contristée et chagrine. Aujourd'hui qu'elles sont mortes toutes les deux, je ne sais plus quoi penser. Je partageais avec Audrey cette aversion pour le caractère bilieux de Laure, et pour cette raison également, j'aurais dû refuser de la prendre en charge. D'autres psychiatres auraient sans doute été plus neutres, moins sensibles que moi à ce que j'appellerais la valeur morale de la joie de vivre. Je me suis souvent fait la remarque que ce n'était pas la gentillesse qui fait aimer les gens. La personne la plus aidante et la plus compréhensive d'un groupe n'est pas souvent la plus aimée. La force de caractère, la beauté, l'intelligence suscitent autant d'amour que de défiance et de rejet. Et parmi toutes les qualités humaines, c'est sans doute la joie de vivre qui est la plus universellement appréciée. Un enfant joyeux, on pardonne tout. Le bruit, les salissures, les objets cassés et même la désobéissance. D'un enfant grognon, on s'agace de tout. De son manque d'appétit, de sa difficulté à dormir, de sa gaucherie physique, dont il n'est pourtant pas responsable. Les sourires pour désarmer la colère, ne sont-ils pas plus efficaces que les larmes? D'ailleurs, les personnages que les livres veulent nous faire détester sont toujours sombres et rongés d'un mal intérieur, maigres, insomniaques, solitaires, tournant le dos au plaisir de l'existence. En revanche, les personnages qu'on veut nous faire aimer ont toute l'insouciance gaie de leur innocence, les princesses chantent dans leur prison, comme Gavroche sous les balles, et les héros croquent toujours la vie, l'aventure et l'amour à pleines dents, au cœur même du danger. Est-ce juste ou injuste? Est-il pertinent de se poser cette question? La vérité est que la joie de vivre est communicative, et que ces heureux caractères font plus de bien autour d'eux que les martyrs et les ascètes. Et à ce titre, ne méritent-ils pas d'être plus aimés? De la même manière, les gens fragiles, soucieux, anxieux, génèrent du malaise autour d'eux et se font fuir. Le problème n'est pas tant ce que l'on fait que ce que l'on est. Mais cette idée remet tellement en question la morale traditionnelle qu'on l'accepte avec difficulté. J'ai connu un patient qui était extrêmement proche de son frère. Il s'adorait, se voyait presque chaque jour, partageait les mêmes cercles d'amis. Le frère de mon patient était marié, et un jour, mon patient reçut une lettre de sa belle-sœur. Elle lui avouait qu'elle quittait son mari parce qu'elle était tombée amoureuse de lui. Mon patient reçut cet aveu comme une pierre en pleine tête et en resta abasourdi, sonné pendant plusieurs jours. Il m'expliqua qu'il s'était rendu compte avec horreur qu'on pouvait faire du mal à ceux que l'on aimait le plus simplement en étant. Il n'avait fait aucun mal, il n'avait pas cherché à séduire sa belle-sœur, il ne s'était même jamais aperçu de ce sentiment qu'il ne partageait pas, il n'avait rien fait, mais il avait détruit le mariage de son frère. Depuis ce jour, je n'ai cessé d'observer qu'en effet, les plus grandes conséquences de notre existence, bonnes ou mauvaises, sont rarement liées à nos actions, mais bien plus souvent à nos caractéristiques involontaires et encore plus souvent à ce que nous représentons pour les autres, représentation sur laquelle nous n'avons la plupart du temps aucun pouvoir. De cette observation m'est resté un doute permanent sur les jugements moraux que je portais et j'ai peut-être fini par cesser d'en porter tout à fait. Le caractère bilieux de l'or, écrivais-je tout à l'heure, me portait sur les nerfs, tout comme le caractère d'Audrey portait sur les nerfs de sa mère. Ni l'or ni Audrey ne pouvaient s'empêcher d'être ce qu'elles étaient, et à ce titre, elles n'auraient dû s'attirer les remontrances de personne, surtout pas de leur mère, et certainement encore moins de leur psychiatre. J'ai fait ce long détour, non pour me justifier, mais au contraire pour rendre toute l'ambiguïté que j'éprouve encore aujourd'hui pour la figure fantomatique de l'or qui s'efface à demi de ma mémoire. Son cas m'ennuyait, sa personne n'attirait pas ma sympathie, et pourtant, je maintiens qu'elle aurait mérité un autre sort. Un autre médecin, peut-être, aurait compris qu'elle n'était pas capable d'enfanter. Cet effort de la chair devait lui être fatal. Cet organisme, qui avait déjà tant de peine à digérer quelques grammes de viande, ne pouvait être à même de supporter la révolution d'une grossesse et d'une délivrance. Psychologiquement, physiquement, dans toute sa personne indissoluble, qui est la seule réalité existante, elle criait qu'elle ne voulait pas d'enfant. Était-il prudent de contraindre sa part inconsciente et de la soumettre à sa conscience? Certes, elle disait vouloir un enfant, elle en était persuadée, elle ne se posait même pas la question. J'ai le sentiment désagréable d'avoir abusé d'elle, en me liguant avec cette petite conscience bourgeoise contre son inconscient qui hurlait de terreur. Libère-t-on toujours les gens avec la thérapie par la parole? Ne les force-t-on pas parfois à laisser sortir des monstres? Ne donne-t-on pas parfois le pouvoir à l'instance qui a tort contre celle qui a raison? Paradoxalement, je réussis fort bien ce pourquoi j'avais été embauché. L'or maîtrisa suffisamment sa peur d'enfanter pour tomber enceinte et mener la grossesse à terme. La seule chose que je n'avais pas prévue est qu'elle ne pourrait y survivre. La première fois que je la vis seule, elle était vêtue de bleu pâle, ses cheveux fins tirés, dans des vêtements un peu trop grands pour elle, chaussée de sandales plates. Elle portait toujours un maquillage très léger et promenait des yeux tour à tour ennuyés et anxieux autour d'elle. « Bonjour, madame H. » lui dis-je. « Je ne m'habitue pas à ce nom, » observa-t-elle. « Appelez-moi Laure, s'il vous plaît. »« Comme vous voudrez. »« Alors, bonjour, Laure. »« Bonjour, docteur. » »« Y a-t-il des sujets concernant votre désir de grossesse ?» ou les difficultés que vous rencontrez, que vous souhaiteriez aborder avec moi? Elle rougit sans que je comprise véritablement pourquoi. Non, pas vraiment. Enfin, je ne sais pas par quoi commencer. J'ai l'impression que mon mari vous a déjà tout dit. Bien. Nous allons travailler en douceur. Je vais vous poser des questions, et vous allez tenter d'y répondre le plus sincèrement possible ce qui vous passe par la tête. N'ayez pas peur de ce que vous pourriez dire. Je ne suis pas là pour vous juger, et je suis tenu au secret professionnel. Oh, docteur, je n'ai rien à cacher. Non, bien sûr, C'était juste une précaution oratoire pour vous mettre à l'aise. » Je souris intérieurement en songeant que je l'avais justement mise au comble du malaise, puis je repris. « Pourquoi voulez-vous avoir un enfant, Laure ?» Elle rougit à nouveau, et je finis par m'habituer à cette coloration qui était presque toujours sa première réponse à mes questions. Je ne sais pas si elle était d'une extraordinaire pudeur, ou si sa peau, ou la nature de son sang, provoquait ce rougissement de vierge qu'on déshabille. Cela n'aidait sans doute pas à la fluidité de la conversation. « Eh bien, je ne sais pas, » dit-elle. « Il serait vraiment bizarre de ne pas en avoir. Vous ne trouvez pas ? Et puis, c'est la consécration du mariage, et je suis catholique alors. Je vois, » dis-je. « Connaissez-vous des femmes qui ne veulent pas d'enfants, ou qui sont mécontentes d'en avoir ?» Elle rougit à nouveau. « Eh bien oui, je suppose. Des amis, de la famille, des collègues. Ma sœur aînée en a eu 5 et c'est beaucoup plainte pour les 2 derniers. Et puis, je suis issu d'une famille de 8. Ma mère a eu 12 enfants et je n'ai pas le souvenir qu'elle se soit jamais plainte. La famille nombreuse vous semble difficile ?»« Oui, » dit-elle vivement. « C'est intéressant. Pourquoi cela ?»« C'est harassant, » dit-elle sans réfléchir. « Votre mère était harassée ?»« Oui, » dit-elle. « Elle n'avait jamais une minute à elle. Elle prenait sur son sommeil pour être un moment tranquille. » « Ses insomnies devaient la fatiguer aussi sûrement que ses enfants, » observai-je. « Oh non, je vous assure, elle a été exemplaire, exemplaire. »« Bien sûr. Et quelle place était la vôtre dans la famille, la 3e ?»« Vous vous êtes occupé des petits ?»« Oui, à partir de 7 ans. J'ai beaucoup aidé à la maison. Ma sœur aînée a aidé à la cuisine, au repassage, et moi, je m'occupais souvent des petits. Je leur donnais à manger, je rangeais leurs jouets, je nettoyais le pot. » Et vous n'aimiez pas ça ? Cela dépendait. Qu'est-ce que vous aimiez ? Leur lire des livres. Et qu'est-ce que vous n'aimiez pas ? Les porter dans les bras. Ils étaient si lourds que j'avais peur de les laisser tomber, et ma mère m'aurait arraché les yeux. J'observais un silence. Avez-vous envie d'être enceinte ? Je veux dire, considérez-vous que cet état soit agréable, enviable ? Elle secoua la tête. Bien sûr, les femmes enceintes sont toujours belles. Et inspire le respect autour d'elle. Mais vous, dans votre corps, désirez-vous sentir un petit être dans votre ventre ? Cela doit être étrange. Lourd à porter ? Peut-être. Les femmes enceintes sont toujours si cambrées en arrière. Vous en êtes curieuse ? Pas vraiment. Elle s'étonna elle-même de la sincérité de sa réponse et marqua une pause que je respectais. « Vous avez l'air très timide, » remarquai-je. « Oui, » dit-elle en rougissant. Je suis une personne discrète, je n'aime pas que les choses tournent autour de moi. Tout le monde aime que les choses tournent autour de soi. Enfin, je ne sais pas, je n'aime pas être regardée. Vous trouvez-vous jolie ? Elle rougit violemment. Non, pas plus que cela, je ne suis pas laide. À quelles occasions votre mère était-elle la plus gentille avec vous ? Quand nous étions malades, dit-elle avec un sourire. Ah, elle était gentille dans ces moments-là ? Oui, elle nous bordait dans notre lit. Elle nous chantait des chants russes qui lui venaient de sa grand-mère, et elle nous apportait du thé ou du chocolat sur un plateau. Et lorsque vous n'étiez pas malade, quand était-elle la plus dure ? Quand nous faisions du bruit, quand nous cassions des choses, quand nous nous salissions, quand nous nous disputions. C'est drôle, vous dites toujours nous et pas je. Nous étions toujours ensemble. Qui ? Mes sœurs, mes frères, moi. Nous n'étions jamais seuls, nous étions toujours en groupe. Vous diriez que vous avez une enfance collective ? Oui. Et vous ne voulez pas plusieurs enfants ? Non, seulement un. Un garçon, une fille ? On ne choisit pas. Je sais, dis-je en souriant, mais avez-vous une préférence ? Peut-être que je me sentirais plus à l'aise avec une petite fille. Pourquoi ? Les petites filles sont plus douces, plus obéissantes. Pas toutes ? Je ne sais pas. Un garçon me paraît plus difficile à élever. Je hochai la tête gravement. Il n'était jamais facile de démêler les chevaux des idées reçues, des discours de façade qui n'avaient aucun sens, et de les séparer des expressions vraies. Votre père n'était-il pas à la maison ? Rarement. Il était souvent en voyage d'affaires. Et votre mari, comment l'imaginez-vous en tant que père ? Comme votre père ? Il travaille beaucoup, c'est vrai, mais il ne voyage pas. Serait-il plus présent ? Il ne parle pas beaucoup avec les enfants. Et avec vous ? Nous parlons de notre vie commune, des affaires de ménage, de nos projets. Le soir, quand nous nous retrouvons dans la chambre. Et pas à table ? Non, il n'aime pas bavarder en mangeant. Nous regardons la télévision en général. Vous aimez la télévision ? Je n'aime pas le silence, dit-elle. Alors oui, cela ne me dérange pas d'entendre des voix. Cela fait une présence. Vous n'êtes pas habitué au silence ? Non, c'est vrai. Un enfant ne mettrait-il pas aussi une présence dans la maison ? Si, dit-elle. Aimez-vous votre vie à deux ? Non, dit-elle sans réfléchir. Puis elle se reprit immédiatement. Enfin, c'est-à-dire, je ne sais pas. Le mariage n'est pas ce que j'imaginais. Le mariage ou votre mari ? Pierre est un homme excellent, dit-elle. Je l'aime profondément et nos liens sont sacrés. Cela n'empêche pas, dis-je, parfois d'éprouver de la surprise ou une légère déception. C'est très courant chez les jeunes mariés. Peut-être j'ai éprouvé cela au début, mais cela fait 8 ans maintenant. Nous avons appris à nous connaître et à vivre ensemble. Je respecte son silence et il respecte... Elle n'acheva pas. Que respecte-t-il ? Ma timidité. Je décidai de ne pas creuser cette question pour le moment. Nous allons nous arrêter là, dis-je au bout d'un silence. À la fin de chaque séance, je vous demanderai de méditer sur une question que je vous poserai pour la semaine suivante. Méditer ? Oui, méditer. Préparez votre réponse en quelque sorte. Explorez les réactions que cette question suscite en vous. Envisagez toutes les réponses. D'accord, dit-elle avec une anxiété non déguisée. Avez-vous peur de porter un enfant parce que vous avez peur de le laisser tomber ? Elle rougit à nouveau, mais ne dit rien. Elle était intelligente et scolaire. Elle avait compris ma démarche et s'y soumettait sans protester. Cette docilité, si rare chez les patients, fut sans doute la clé de la réussite rapide de nos entretiens et cela même, hélas, qui précipita sa mort. Elle tomba enceinte au bout de 6 mois environ. Et je ne saurais, en tant que thérapeute, trop mettre en avant le danger de ces thérapies partielles qui, plutôt que de considérer le patient dans son ensemble, ne s'attache qu'à traiter un symptôme. Le patient souffre d'énurésie, il bégaye, il a peur du noir, il veut arrêter de fumer, il est frigide. Il vient pour soigner un symptôme, mais on ne soigne pas un symptôme, on ne fait jamais que le déplacer. Ce qu'on peut soigner, c'est une personne, et cette personne doit être appréhendée dans la totalité de son histoire, dans la structure même de sa personnalité. Il n'est rien de plus facile que de supprimer un symptôme, comme ce fut le cas pour Laure. Mais en supprimant son infertilité, je n'ai jamais supprimé son incapacité profonde à être mère. Et le symptôme avec lequel le patient vit paisiblement depuis de nombreuses années est sans doute moins grave que celui qu'on libère à l'aveugle, dans le noir de cet esprit qu'on n'a pas eu le temps de connaître. Car en psychanalyse, comme dans les pratiques occultes et la magie du sang, chaque équilibre rompu mène à un nouvel équilibre inconnu. Chaque vie est donnée pour une autre. Chaque mort évitée reportée à un autre endroit sur la ligne du destin. Chaque désir vaincu renaît différent et plus fort. Sa grossesse fut interminable et difficile. Elle eut des saignements, des nausées, des hémorroïdes, un masque de grossesse, des sautes d'humeur. Elle dut passer les premiers mois à l'aliter pour éviter le décollement de la poche utérine. Et les derniers mois parce qu'elle fut cerclée. C'était comme si son corps se révoltait tout entier, avec chacun de ses organes, contre la vie qui le portait et qui le dévorait. Son corps s'exprima avec une rage qui me fit peur, une opiniâtreté animale. Pierre craignit pour la vie de son enfant pendant les 8 mois que dura la grossesse, qui se termina prématurément. L'enfant vécut cependant. Une petite fille nommée Margot, qui ne sut probablement jamais que si elle était fille biologique de son père, elle était aussi née du viol que je commis sur l'inconscient de sa mère. Et Laure mourut. D'hémorragie, de douleur, d'épuisement. Sans raison. Lorsqu'on m'appela à son chevet, je ne pus que confirmer l'acte de décès que l'obstétricien avait déjà signé. Elle était là, pâle, tiède, molle encore. La sueur de son effort intense n'avait pas encore séché sur sa peau exsangue. Mais elle ne respirait plus, et plus rien ne coulait dans ses veines figées. Laure H. abandonna sa petite vie bourgeoise, son destin de mère tout tracé, son ennui conjugal, son mari silencieux, sa maison. Elle aussi fut ensevelie sous les fleurs blanches, et son bébé silencieux et grave, dans l'église, ne pleura pas une mère dont il n'avait connu que le ventre inhospitalier.